Bonjour à toutes et à tous. C'est à mon tour d'exprimer ma reconnaissance avant tout envers les membres du comité de ces journées, bien sûr pour m'avoir invité, mais aussi je dois... Oui, il y a besoin. Mais aussi pour la qualité irréprochable de l'accueil que nous avons reçu depuis 2 jours. Pour cela, j'adresse mes plus profonds remerciements. Et aussi, je remercie aussi les participants et la salle pour les échanges très riches que nous avons eus depuis 2 jours. Cela fait à présent 2 jours et 2 nuits que je suis en brainstorming quasi permanent avec moi-même, de manière productive, je vous rassure. Et pour cela, je vous remercie également. Et j'ai éteint mon ordinateur, donc je ne peux plus lire ce que je voulais dire. Alors, par rapport à Laurent, ma présentation sera très méthodologique. Elle sera divisée en 3 temps. D'abord, je vais résumer les grandes lignes de ma thèse pour vous expliquer à quelles questions j'essaie de répondre. Puis, j'expliquerai la démarche méthodologique qui a été la mienne depuis plusieurs années et qui a consisté essentiellement à articuler le plus étroitement et le plus rigoureusement possible un matériau historique du XVIIe siècle et la théorie des réseaux. Et enfin, je terminerai avec les problèmes que cela m'a posés et les réflexions que cela a soulevées. Alors, la thématique de départ, c'est celle de la pratique du pouvoir par la reine de France au XVIIe siècle. Et plus particulièrement, le pouvoir de la reine Anne d'Autriche, donc, qui est née en 1600 et qui est morte en 1666, qui est l'épouse de Louis XIII et la mère de Louis XIV. Grosso modo, l'historiographie divise son règne en 2 phases. Une phase de marginalisation politique qui s'étend de 1615 à 1643 et qui correspond grosso modo au triumvirat Marie de Médicis, Richelieu, Louis XIII et au cardinalat, bien évidemment, au ministériat pardon, de ce dernier, enfin de Richelieu. Et une phase d'exercice des pleins pouvoirs de 1643 à 1661. Aux côtés de Mazarin. Mais l'interrogation qui subsiste depuis maintenant, depuis presque toujours, c'est la manière dont cette transition politique s'est effectuée, à savoir comment une reine qui était marginalisée pendant la majeure partie de sa vie se retrouve tout à coup aux commandes du pouvoir et du gouvernement et s'en sort apparemment très bien, et ce de manière presque instantanée, du moins pour autant que les sources nous le disent. Donc, l'objectif de ma thèse, c'est de répondre, de comprendre cette transition. Et l'hypothèse que je pose, c'est que ça peut s'éclairer au regard des structures relationnelles dans lesquelles Anne d'Autriche s'inscrivait. Alors, une précision qui est essentielle ici. Alors, ma thèse s'intitule théoriquement « Pouvoir et réseau d'Anne d'Autriche », mais depuis 2 jours, je commence à me dire que ce n'est pas la bonne formulation. Puisqu'il ne s'agit pas des réseaux d'Anne d'Autriche à proprement parler, dans le sens où elle en serait l'ego de référence. Et ce pour une raison toute simple de source, c'est un constat absolument qui est source de perplexité et de beaucoup de frustration, c'est qu'Anne d'Autriche a laissé extrêmement peu de sources. Donc, et ça rendait toute étude réticulaire autour de sa personne absolument impossible, ou du moins extrêmement biaisée. De fait, l'objet d'étude a été légèrement décentré pour aborder le problème par le biais de son entourage. Alors cet entourage a été entendu dans un sens institutionnel, c'est-à-dire comme l'ensemble de des officiers qui composent sa maison et qui sont répartis en plusieurs départements, la chapelle, la chambre, l'écurie, le conseil et la faculté et la bouche. Étant donné le délai imparti, une étude prosopographique était absolument impossible. Donc, j'ai sélectionné plusieurs individus parmi les chefs des départements et j'ai tenté de reconstituer leurs espaces relationnels. J'ai désormais un petit peu quelques réticences à utiliser le terme de réseau et je trouvais l'expression espace relationnel particulièrement adaptée. Donc, le but, c'est de comprendre la trajectoire de ces individus, de reconstituer leur inscription sociale, institutionnelle, politique quand c'est possible, et de recréer une multitude de contextes qui permettent d'éclairer ponctuellement l'action politique d'Anne d'Autriche. Et deuxième précision méthodologique, c'est qu'il s'agit de réseaux égocentrés, mais d'étoiles, et non pas de zones, parce qu'il s'agit de réseaux égocentrés parfois très importants, et tenter de reconstituer les liens entre chaque nœud me prendrait un temps considérable que je n'ai malheureusement pas. Alors l'étape principale constitue à amasser un matériau historique suffisant pour reconstituer les réseaux en question, et je me suis immédiatement confrontée à l'obstacle canonique en matière d'études de réseau, c'est-à-dire la délimitation. Quelles étaient, quelles relations sélectionner et surtout où arrêter la sélection des individus. À ce sujet, je dois admettre que l'historiographie ne me proposait pas de solution, de réel consensus ni de solution qui me satisfaisait complètement. Donc j'ai essayé de contourner le problème en effectuant une sélection par les sources, c'est-à-dire de prendre un corpus de sources cohérent et d'en tirer une certaine image réticulaire, et de voir en fait ce qui se produit à partir d'un corpus déjà composé, et d'observer tous les liens que ce corpus me propose, tout en gardant bien à l'esprit que c'est une délimitation comme une autre et qu'elle n'est donc pas exhaustive. Alors, quel est ce corpus ? C'est principalement un acte notarié qui est l'inventaire après décès. L'inventaire après décès, c'est un document passé devant notaire à la mort d'un individu, et comme son nom l'indique, et qui consiste à lister l'intégralité des contrats et des papiers qui étaient en possession d'un individu au moment de sa mort. L'intérêt, donc, c'est que le corpus donc, est déjà composé, puisque les actes sont non seulement listés, mais détaillés, et qu'ils peuvent comporter des actes aussi bien extrêmement récents que très anciens, et qui peuvent parfois remonter à plusieurs générations, ce qui permet d'intégrer le facteur temps dans l'étude de réseau. Alors, à une exception près, je dispose des inventaires après décès pour tous les égaux que j'avais sélectionnés, sauf un qui résiste encore et toujours, qui est Augustin Potier, l'évêque de Beauvais. Lui, il a produit extrêmement peu de sources, ce qui fait que j'ai dû abandonner pour ce cas précis l'étude égocentrée et que j'ai intégré plusieurs membres de sa famille, principalement ses frères et sœurs, qui, eux, avaient produit beaucoup plus de sources. Ce qui au final, produit plus une structure polycentrée. Je ne sais pas si on peut parler de polyégocentrée, mais bon, là, je pose la question. Mais afin de respecter au maximum la logique de délimitation par les sources, j'ai concentré mon dépouillement sur le notaire familial, qui offrait une certaine cohérence faciale. Alors, ces actes notariés constituent le cœur du réseau, dans le sens où, pour le reconstituer du moins, mais il est bien évident qu'ils ne suffisent pas à appréhender, à créer des contextes intelligibles pour l'histoire politique d'Anne d'Autriche. C'est pour ça qu'il a bien évidemment été nécessaire de les croiser avec d'autres sources lorsque ces dernières étaient disponibles. Ensuite, quelle a été l'approche documentaire ? Chaque document a été considéré, analysé comme la manifestation ou la cristallisation à un moment T d'une dimension du réseau. Par dimension du réseau, qu'est-ce que j'entends ? Trois choses. D'abord, sa structure. Ensuite, son activité ou les flux qui le parcourent. Et enfin, son fonctionnement. J'ai fait une espèce de tableau que je vous propose. Est-ce que c'est lisible pour vous ? Voilà, c'est une proposition, il est bien évident que toutes les sources, tous les documents possibles n'y apparaissent pas. L'avantage, c'est que ça permet de distinguer canaux, conduits et contenus, et que ça ne met pas sur le même plan les liens matrimoniaux et les flux qui, par exemple, qui matérialisent des échanges. Et je crois que c'est Isabelle Rosé qui se posait la question de savoir comment comptabiliser un lien matrimonial et un lien matériel. Donc à ce sujet, je serais curieuse d'avoir votre avis, si toutefois vous voulez bien me le donner. Alors, l'accent a été plus particulièrement mis sur les documents de type flux, pour deux raisons. D'abord parce que ce sont les plus nombreux, et ensuite parce que cela permet de se concentrer sur la géographie des liens et d'identifier plus rapidement les acteurs clés. Ensuite, la qualité et l'inscription institutionnelle et sociale des nœuds intervenaient dans un second temps. Les documents flux sont comptabilisés et on aboutit donc à ce genre de graphique, c'est-à-dire que ça reconstitue l'évolution du nombre de flux émis et reçus par un individu au cours de sa vie. Le but, c'est de distinguer des phases et de leur donner sens en contextualisant à chaque fois en fonction des sources disponibles ces phases et voir à quoi elles correspondent pour l'individu et éventuellement d'en tirer des conclusions sur la pratique politique d'Anne d'Autriche. J'ai également effectué d'autres emprunts à la théorie des réseaux. Alors là, à ce sujet, je me distingue peut-être un petit peu plus de tout ce qui a été dit, dans le sens où j'ai mobilisé, par exemple, le concept de centralité, mais pas de manière mathématique, et uniquement de manière abstraite, conceptuelle, pour penser ce que j'observais. Tout simplement parce que l'approche et la documentation ne me permettaient pas de faire autrement. Voilà. Alors, cette démarche applique beaucoup de cas par cas et beaucoup de qualitatifs, mais étant donné ma documentation, je ne pouvais pas tellement faire autrement. Mais c'est une bonne chose parce que je fais partie de ces nombreuses personnes qui ont été traumatisées par les mathématiques dans leur enfance et qui perçoivent avec méfiance tout ce qui s'approche de près ou de loin des graphiques ou pire, des matrices. Alors, quelques limites maintenant. Je suis tout à fait consciente que cette approche égocentrée étoile et restreint un petit peu la portée de cette étude. Il y a moins de relations observées, les dynamiques sont probablement tronquées et la représentation graphique perd de son utilité. Alors je partais du principe, en arrivant je pensais que c'était une limite, mais finalement je me dis que pas tellement. Finalement si ça ne s'y prête pas, après tout, il n'y a pas de raison. Comme ce sont des cas très locaux, toute portée généralisatrice est difficile à mener. Et enfin, étant donné que les actes notariés composent le cœur du corpus, ça implique un surdimensionnement des flux matériels. Mais c'était la seule source qui était à la fois suffisamment abondante et disponible pour tous les égos que j'étudiais, qui était disponible pour moi, donc voilà, parce que ce sont des individus qui sont parfois très anonymes, et la majorité d'entre eux n'ont pas laissé de correspondance, encore moins de lettres. Alors, quelques observations à présent. Je dirais que ma principale difficulté pour l'élaboration de cette méthode, ça aurait été cette tension permanente entre l'exigence de rigueur vis-à-vis de la réalité historique observée et des outils sociologiques. J'espère avoir atteint mon objectif, mais au-delà de ces difficultés, ce qui se pose aussi comme problème, à mon avis, et là j'anticipe peut-être un petit peu sur la discussion qu'il y aura tout à l'heure, je ne sais pas, ça pose aussi la question de la portée de ces démarches vis-à-vis de notre lectorat. À ce sujet, j'illustrerai cette réflexion par un cas tout à fait personnel, qui est celle de mon directeur de thèse, qui m'a proposé au départ cette approche en termes de réseau. Lorsque j'étais en master et que j'ai travaillé à articuler les deux en intégrant directement les concepts de centralité, d'intermédiarité, etc., il était très content, et moi aussi. Et tout récemment, il m'a proposé d'exclure au contraire tous les termes techniques, sociologiques du corps du texte, de les traduire entre guillemets en termes historiques et de créer une sorte de glossaire en début de thèse, ce qui constitue peut-être une solution à ce sujet. Je vous pose la question, je n'en sais rien encore. Et dernière question qui tourne toujours autour de cette question d'intelligibilité. Là, je mets volontairement les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'on fait du terme de réseau? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'enlève? Et comment, pourquoi, dans quelles circonstances? Je n'ai pas de position tranchée à ce sujet. C'est vraiment c'est volontairement provocateur pour susciter le débat. On a pu le constater au cours de ces deux journées et demie. Le terme de réseau a été employé de manière très différente à chaque fois et avec de plus en plus de prudence au fur et à mesure que les journées se déroulaient. Donc, je pense que c'est pour nous comprendre entre nous, entre guillemets, et pour être compris par le reste de la communauté scientifique, ça me paraît absolument essentiel d'avoir une position peut-être un peu plus claire là-dessus. Voilà, je vous remercie.